Chapitre 18e. Pendant son voyage, Marthe avait plus d'une fois pensé à ce qu'elle devrait dire en arrivant à la Kétive, car elle savait que le premier mot qu'elle entendrait serait « Que s'est-il passé? Pourquoi viens-tu ainsi ?» De ses réponses résultera l'accueil de son grand-père, qui serait en réalité ce qu'elle ferait elle-même. Cependant, au moment d'entreprendre son récit, elle s'arrêta, la gorge serrée par l'émotion. Au fond du cœur, elle était fière de son amour pour Philippe, mais c'était à condition que cet amour restât précisément au fond de son cœur, discrètement voilé. Si elle était forcée d'en parler, un sentiment de respect et de pudeur lui fermait les lèvres. Elle avait vivace le souvenir de son entretien avec son père. « Eh bien, mon enfant, » dit M. Hazimbert, la voyant hésitante et confuse, « parle, parle sans crainte. Tu sens bien que tu dois tout me dire, absolument tout, car par ta démarche et l'appui que tu me demandes, tu m'obliges à devenir juge entre ton père et toi. » Pour m'engager dans une décision si grave et prendre parti pour l'un ou l'autre de vous, il faut que je sache la vérité. Si la confession a jamais eu du bon, c'est dans des conditions pareilles. Je pense bien que ce que tu as à dire doit être pénible, mais il nous est souvent salutaire de descendre dans notre conscience et de la scruter à fond. Nous sentons mieux ainsi nos fautes, que nous ne sommes que trop disposés à nous cacher à nous-mêmes. Je n'ai rien à cacher, grand-père, ni à toi, ni même à moi. J'en suis certain. Et c'est pour cela que je te prie de me mettre à même de me prononcer en toute connaissance. Ce n'est point ainsi que nous procédons d'ordinaire, nous autres juges. Si nous interrogeons l'inculpé, nous contrôlons ses réponses par des témoignages divers. Mais avec toi, je sais que les témoins sont inutiles. Tu es toujours, n'est-ce pas, la petite fille franche et droite qui venait loyalement s'accuser quand elle était en faute. Note bien que je ne t'accuse pas, dans les circonstances présentes, d'être en faute, puisque je ne sais rien de ce qui s'est passé entre ton père et toi. Seulement je te demande, si tu es en faute, de ne pas le cacher ou l'atténuer. Tu ne peux pas trouver une oreille plus indulgente que la mienne, et tu sais bien que s'il y a des circonstances atténuantes à admettre en ta faveur, je serai le premier à les chercher sans que tu te donnes la peine de me les indiquer. Tu ne peux pas comprendre. Si, je peux comprendre beaucoup de choses, et tu ne dois pas croire que, parce que je suis un vieux bonhomme, je n'admets pas les faiblesses de cœur. Tu vois bien que je les admets, ces faiblesses, puisqu'au lieu de te faire les gros yeux et de te reconduire tout de suite chez ton père comme je le devrais, si je n'étais sensible qu'à la seule voix du devoir, je t'écoute et t'accueille les bras ouverts. D'où cela vient-il? De ce que je t'aime. Et quand nous aimons, nous sommes faibles, nous écoutons notre cœur et nous nous laissons traîner par lui. Mais je parle trop, tandis que c'est à toi de parler. Asseyons-nous là, nous avons tout le temps de rentrer à la maison. Disant cela, M. Hazimbert s'assit sur le bord du sentier et fit placer Marthe près de lui. Il tournait le dos au soleil couchant, et leurs visages se trouvaient dans l'ombre. Ainsi encouragée autant par les bonnes paroles que par l'attitude de son grand-père, Marthe commença son récit. Elle le fit exact et complet, sans rien oublier, sans rien affaiblir, donnant à chaque chose et à chaque mot sa valeur et son importance. M. Hazimbert l'écouta sans l'interrompre, et pendant tout le temps qu'elle parla, il ne leva pas les yeux sur elle une seule fois. À le voir traçant sur le sable du chemin des dessins réguliers avec son bâton, on eût pu croire qu'il était absorbé dans cette occupation. Ainsi, dit M. Hazimbert, lorsqu'elle eut achevé son récit, ton père veut que tu acceptes M. de Saint-Austrebert pour mari, et toi tu veux M. Philippe Herrem. Oh, grand-père, je ne vais pas jusque-là. Je n'aime pas M. de Saint-Austrebert et j'aime Philippe. C'est bien cela. Oui. Mais c'est pour fuir M. de Saint-Austrebert que j'ai quitté la maison, pour cela seulement. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Je le comprends. J'aurais supporté sans plainte et sans révolte qu'on me défendît de voir Philippe. Ce que je n'ai pu supporter, c'est qu'on m'imposât M. de Saint-Austrebert. J'admettrai bien que mon père ait de la répulsion pour Philippe. Pourquoi ne pas admettre que j'en ai pour M. de Saint-Austrebert? Comme je ne connais ni celui que tu appelles Philippe de son petit nom, ni M. de Saint-Austrebert, je ne peux pas me prononcer entre eux et dire si la répulsion de ton père est fondée et si la tienne est juste. Je ne fais aucune difficulté à déclarer que tout d'abord je suis mal disposé à l'égard de M. de Saint-Austrebert. Je ne le connais pas, cela est vrai, mais il a contre lui son origine. Fils d'intrigant ne m'inspire aucune confiance, n'est-ce pas? Aucune, surtout en présence de la grosse fortune de ton père, qui doit être la raison déterminante de sa demande en mariage. Ce qui me fait suspecter encore ses intentions, c'est la rentrée de ton père dans la vie politique. Il doit y avoir là-dessous quelque intrigue politique dont il est victime, et de tout cela résultent des charges contre ce monsieur de Saint-Austrebert. Mais en raisonnant ainsi, il faut dire aussi que je n'ai pour moi que des inductions assez faibles. En réalité, monsieur de Saint-Austrebert agit dans cette affaire conformément aux règles des convenances. Pour obtenir ta main, il s'est adressé à ton père. Ce n'est point ce qu'a fait ton ami Philippe. Nous nous sommes aimés, sans rien boire au-delà de notre amour. Je veux l'admettre. Bien que chez un homme comme monsieur R.M., cela soit assez peu probable. Mais enfin, si vous vous êtes aimés, sans réfléchir, sans penser à l'avenir, il est arrivé un jour où la réflexion est née. Pourquoi, ce jour-là, n'avoir pas parlé à ton père ? Je te l'ai dit, parce que Philippe est sans fortune, connaissant les idées de mon père, il a voulu attendre le résultat de la démarche que sa mère tentait auprès de son oncle. Mais toi, quand ton père t'a parlé pour la première fois de M. de Saint-Austrebert, comment ne lui as-tu pas avoué ton amour pour Philippe ? Philippe m'ayant demandé de ne pas parler de notre amour, j'ai cru devoir m'en rapporter à lui, le jugeant plus capable que moi de savoir ce qu'il fallait faire dans une telle circonstance. Cependant, lorsque papa m'a dit que M. de Saint-Austrebert demandait ma main, j'ai été bien près de tout avouer, mais papa m'a fermé la bouche. Tu connais les devoirs auxquels il se croit obligé par sa fortune. Je connais ses idées mieux que ses devoirs. Ce sont ses idées qui m'ont empêché de parler. Dans notre position, m'a-t-il dit, on ne se marie pas comme les gens qui n'ont qu'à consulter leur cœur. Notre fortune nous impose des devoirs envers la société. Comment lui répondre que celui que j'aimais n'avait aucun rang dans cette société ? Il est ingénieur. Tu sais bien que pour mon père, c'est la fortune qui donne le rang, et Philippe est pauvre. Je ne veux pas blâmer ton père, mais il est vraiment malheureux qu'il se soit arrêté à des idées aussi étroites. Il croit que quand on a fait fortune, ce n'est pas pour soi seul. Et en cela, il est très supérieur à tous ses rivaux. Par malheur, dans la pratique, il n'étend pas bien loin ce principe généreux. Au lieu de faire servir sa fortune à l'amélioration de tous, il se contente de l'employer à tenir son rang, et il croit qu'il accomplit strictement son devoir envers la société. C'est pour la société qu'il a des balais qui l'ennuient et un luxe de maison qui lui est une fatigue. C'est pour la société qu'il veut que tu fasses un mariage, sinon de richesse, au moins de position. Maintes fois, M. Hazimbert avait eu des discussions à ce sujet avec M. Denis. L'ayant abordé, il ne le lâcha pas de sitôt. Que son père eût tort ou raison, ce n'était pas de cela que Marthe avait souci en ce moment. Et ce qui l'angoissait, c'était de savoir si en fin de compte elle resterait à la Quétive ou s'il devrait retourner à Châteaupignon. Cependant, elle n'osa pas interrompre son grand-père. Comment ton père n'a-t-il pas senti, dit-il en poursuivant son idée avec véhémence, qu'il est dangereux pour une honnête famille d'introduire dans son sein un de ces Parisiens du Paris cosmopolite qui ne peuvent nous apporter que la corruption? On dit que la France est corrompue. Cela est vrai, pour une certaine partie de Paris, je le crains bien. Mais cela n'est pas pour la province, où il y a plus d'honneur, d'honnêteté et de vertu qu'on ne croit généralement. Or, la France est dans la province et non dans Paris, comme on le répète faussement. Seulement, pour que cette honnêteté se conserve, il ne faut pas que la province fasse la sottise de donner ses filles à tous ses beaux-fils épuisés et gangrénés par la vie parisienne. Alors, tu es contre, monsieur de Saint-Austrebert ? S'écria Marthe. Je n'ai pas dit cela, cher enfant, car je n'ai parlé qu'en théorie. Enfin, en théorie, tu n'admets pas qu'il soit mon mari, et pour toi j'ai raison de le refuser. Pour moi, ton père eut tort de se laisser prendre un mirage trompeur. À sa place, je t'aurais cherché un bon mari à Bordeaux, et quand j'aurais eu le temps de le bien connaître, si vous aviez eu de l'amour l'un pour l'autre, je te l'aurais donné. On ne marie pas de position, on marie de cœur. C'est pour Philippe que tu conclus. Non, car il y a dans sa conduite quelque chose de trop prudent, de trop bien calculé qui me blesse. C'est pour toi que je conclus, car je comprends que tu ne puisses pas supporter la présence de M. de Saint-Austrebert. Tu resteras donc avec moi. Sans répondre, elle se jeta dans ses bras, et longtemps elle le tint embrassé. « Tu avais donc douté de moi ? » dit-il en se relevant. « Non, mais j'avais conscience de ma faute et je ne savais pas comment tu la jugerais. Je juge que vous avez eu grand tort de vous cacher de ton père, car c'est de là que viennent tous vos malheurs. Mon père eût repoussé Philippe. Peut-être, mais il n'eût pas accueilli M. de Saint-Austrebert, envers lequel il est maintenant engagé. Tu n'aurais eu à lutter que pour faire entrer Philippe en grâce. » Tandis que maintenant, à cette tâche, déjà assez difficile par elle-même, se joint celle de lutter contre M. de Saint-Austrebert. Avec ton aide, je ne peux pas te le promettre. Je veux bien te défendre contre la poursuite d'un homme que tu n'aimes pas, mais je ne peux pas favoriser ton amour pour un homme que ton père repousse. Au reste, nous reparlerons de cela. Pour le moment, allons souper. Tu dois avoir faim. Et sommeille, donc. Pauvre petite, oublie ce que tu as souffert et dis-toi que maintenant je serai toujours près de toi. Même s'il faut rentrer à Châteaupignon, même jusque-là.